Le Robinson suisse de Johann David Wyss, tome 1. Chapitre 1. Tempête, naufrage, corset natatoire, bateau de cure. La tempête durait depuis 6 mortels jours, et le 7e, sa violence, au lieu de diminuer, semblait augmenter encore. Elle nous avait jetés vers le sud-ouest, si loin de notre route que personne ne savait où nous nous trouvions. Les passagers, les matelots, les officiers étaient sans courage et sans force. Les mâts, brisés, étaient tombés par-dessus bord. Le vaisseau désemparé ne manœuvrait plus, et les vagues irritées le poussaient çà et là. Les matelots se répandaient en longues prières et offraient au ciel des vœux ardents. Tout le monde était du reste dans la consternation et ne s'occupait que des moyens de sauver ses jours. « Enfant, » dis-je à mes 4 fils, effrayés et en pleurs, « Dieu peut nous empêcher de périr s'il le veut. Autrement, soumettons-nous à sa volonté, car nous nous reverrons dans le ciel où nous ne serons plus jamais séparés. » Cependant, ma courageuse femme essuyait une larme et plus tranquille que les enfants qui se pressaient autour d'elle, elle s'efforçait de les rassurer, tandis que mon cœur, à moi, se brisait à l'idée du danger qui menaçait ces êtres bien-aimés. Nous tombâmes enfin tous à genoux, et les paroles échappées à mes enfants me prouvèrent qu'ils savaient aussi prier et puiser le courage dans leurs prières. Je remarquai que Fritz demandait au Seigneur de sauver les jours de ses chers parents et de ses frères, sans parler de lui-même. Cette occupation nous fit oublier pendant quelque temps le danger qui nous menaçait, et je sentis mon cœur se rassurer un peu à la vue de toutes ces petites têtes religieusement inclinées. Soudain, nous entendîmes au milieu du bruit des vagues une voix crier « Terre ! Terre !» et au même instant nous éprouvâmes un choc si violent que nous en fûmes tous renversés et que nous crûmes le navire en pièces. Un craquement se fit entendre, nous avions touché. Aussitôt, une voix que je reconnus pour celle du capitaine cria « Nous sommes perdus, mettez les chaloupes en mer !» Mon cœur frémit à ces funestes mots « Nous sommes perdus !» Je résolus cependant de monter sur le pont pour voir si nous n'avions plus rien à espérer. À peine y mettais-je le pied qu'une énorme vague le balaya et me renversa sans connaissance contre le mât. Lorsque je revins à moi, je vis le dernier de nos matelots sauter dans la chaloupe et les embarcations les plus légères, pleines de monde, s'éloignaient du navire. Je criai, je les suppliai de me recevoir, moi et les miens. Le mugissement de la tempête les empêcha d'entendre ma voix ou la fureur des vagues de venir nous chercher. Au milieu de mon désespoir, je remarquai cependant, avec un sentiment de bonheur, que l'eau ne pouvait atteindre jusqu'à la cabine que mes bien-aimés occupaient au-dessous de la chambre du capitaine. Et en regardant bien attentivement vers le sud, je crus apercevoir par intervalle une terre qui, malgré son aspect sauvage, devint l'objet de tous mes vœux. Je me hâtai donc de retourner vers ma famille, et affectant un air de sécurité, j'annonçai que l'eau ne pouvait nous atteindre et qu'au jour nous trouverions sans doute un moyen de gagner la terre. Cette nouvelle fut pour mes enfants un baume consolateur, et ils se tranquillisèrent bien vite. Ma femme, plus habitué à pénétrer ma pensée, ne prit pas le change. Un signe de ma part lui avait fait comprendre notre abandon, mais je sentis mon courage renaître en voyant que sa confiance en Dieu n'était point ébranlée. Elle nous engagea à prendre quelque nourriture. Nous y consentîmes volontiers, et après ce petit repas, les enfants s'endormirent, excepté Fritz qui vint à moi et me dit « J'ai pensé, mon père, que nous devrions faire, pour ma mère et mes frères, des corsets natatoires qui puissent les soutenir sur l'eau et dont vous et moi n'avons nul besoin, car nous pouvons nager aisément jusqu'à la côte. » J'approuvai cette idée et résolus de la mettre à profit. Nous cherchâmes partout dans la chambre de petits barils et des vases capables de soutenir le corps d'un homme. Nous les attachâmes ensuite solidement deux à deux et nous les passâmes sous les bras de chacun de nous. Puis, nous étant munis de couteaux, de ficelles, de briquets et d'autres ustensiles de première nécessité, nous passâmes le reste de la nuit dans l'angoisse, craignant de voir le vaisseau s'entrouvrir à chaque instant. Fritz, cependant, s'endormit, épuisé de fatigue. L'aurore vint enfin nous rassurer un peu, en ramenant le calme sur les flots. Je consolai mes enfants, épouvantés de leur abandon, et je les engageai à se mettre à la besogne pour tâcher de se sauver eux-mêmes. Nous nous dispersâmes alors dans le navire pour chercher ce que nous trouverions de plus utile. Fritz apporta deux fusils, de la poudre, du plomb et des balles. Ernest des clous, des tenailles et des outils de charpentier. Le petit Franz, une ligne et des hameçons. Je les félicitai tous trois de leur découverte. « Mais, dis-je à Jack, qui m'avait ramené deux énormes dogues, quant à toi, que veux-tu que nous fassions de ta trouvaille ?»« Bon, répondit-il, nous les ferons chasser quand nous serons à terre. »« Et comment y aller, petit étourdi ?» lui dis-je. « Comment aller à terre ? Dans des cuves, comme je le faisais sur l'étang à notre campagne. » Cette idée fut pour moi un trait de lumière. Je descendis dans la cale où j'avais vu des tonneaux, et avec l'aide de mes fils, je les amenai sur le pont, quoiqu'ils fussent à demi submergés. Alors nous commençâmes, avec le marteau, la scie, la hache et tous les instruments dont nous pouvions disposer, à les couper en deux, et je ne m'arrêtai que quand nous eûmes obtenu 8 cuves de grandeur à peu près égale. Nous les regardions avec orgueil. Ma femme seule ne partageait pas notre enthousiasme. « Jamais, dit-elle, je ne consentirai à monter là-dedans pour me risquer sur l'eau. »« Ne sois pas si prompte, chère femme, lui dis-je, et attends pour juger mon ouvrage qu'il soit achevé. » Je pris alors une planche, longue et flexible, sur laquelle j'assujettis mes 8 cuves. Deux autres planches furent jointes à la première, et après des fatigues inouïes, je parvins à obtenir une sorte de bateau étroit et divisé en 8 compartiments, dont la quille était formée par le simple prolongement des planches qui avaient servi à lier les cuves entre elles. J'avais ainsi une embarcation capable de nous porter sur une mer tranquille et pour une courte traversée. Mais cette construction, toute frêle qu'elle était, se trouvait encore d'un poids trop au-dessus de nos forces pour que nous puissions la mettre à flot. Je demandai alors un cri. Et, Fritz en ayant trouvé un, je l'appliquai à une des extrémités de mon canot que je commençais à soulever tandis que mes fils glissaient des rouleaux par-dessous. Mes enfants, Ernest surtout, étaient dans l'admiration en voyant les effets puissants de cette simple machine dont je leur expliquais le mécanisme sans discontinuer mon ouvrage. Jack, l'étourdi, remarqua pourtant que le cri allait bien lentement. « Mieux vaut lentement que pas du tout, répondis-je. Notre embarcation toucha enfin le bord et descendit dans l'eau, retenue près du navire par des câbles. Mais elle tourna soudain et pencha tellement de côté que pas un de nous ne fut assez hardi pour y descendre. Je me désespérais quand il me vint à l'esprit que le lest seul manquait. Je me hâtai de jeter au fond des cuves tous les objets pesants que le hasard plaça sous ma main. Et peu à peu, en effet, le bateau se redressa et se maintint en équilibre. Mes fils alors poussèrent des cris de joie et se disputèrent à qui descendrait le premier. Craignant que leurs mouvements ne vinssent à déplacer le lest qui maintenait le radeau, je voulus y suppléer en établissant aux deux extrémités un balancier pareil à celui que je me souvenais d'avoir vu employé par quelques peuplades sauvages. Je choisis à cet effet 2 morceaux de vergue assez longs. Je les fixai par une cheville de bois. L'un à l'avant, l'autre à l'arrière du bateau, et aux deux extrémités j'attachai 2 tonnes vides qui devaient naturellement se faire contrepoids. Il ne restait plus qu'à sortir des débris et à rendre le passage libre. Des coups de hache donnés à propos à droite et à gauche eurent bientôt fait l'affaire. Mais le jour s'était écoulé au milieu de nos travaux et il était maintenant impossible de pouvoir gagner la terre avant la nuit. Nous résolûmes donc de rester encore jusqu'au lendemain sur le navire et nous nous mîmes à table avec d'autant plus de plaisir qu'occupés de notre important travail, nous avions à peine pris dans toute la journée un verre de vin et un morceau de biscuit. Avant de nous livrer au sommeil, je recommandai à mes enfants de s'attacher leur corset natatoire pour le cas où le navire viendrait à sombrer, et je conseillai à ma femme de prendre les mêmes précautions. Nous goûtâmes ensuite un repos bien mérité par le travail de la journée. Chapitre 2. Chargement du radeau, personnel de la famille, débarquement, première disposition, le homard, le sel, excursion de Fritz, la goutti, la nuit à terre. Au premier rayon du jour, nous étions debout. Après avoir fait faire à ma famille la prière du matin, je recommandais qu'on donnât aux animaux qui étaient sur le vaisseau de la nourriture pour plusieurs jours. Peut-être, disais-je, nous sera-t-il permis de les venir prendre. J'avais résolu de placer pour ce premier voyage sur notre petit navire un baril de poudre, 3 fusils, 3 carabines, des balles et du plomb, autant qu'il nous serait possible d'en emporter, 2 paires de pistolets de poche, 2 autres paires plus grandes et enfin un moule à balles. Ma femme et chacun de mes fils devaient en outre être munis d'une gibecière bien garnie. Je pris encore une caisse pleine de tablettes de bouillon, 1 de biscuits, 1 marmite en fer, 1 ligne à pêcher, 1 caisse de clous, 1 autre remplie d'outils, de marteaux, de scies, de pinces, de haches, etc. et un large morceau de toile à voile que nous destinions à faire une tente. Nous avions apporté beaucoup d'autres objets, mais il nous fut impossible de les charger, bien que nous eussions remplacé par des choses utiles le lest que j'avais mis la veille dans le bateau. Après avoir invoqué le nom du Seigneur, nous nous disposions à partir lorsque les coqs se mirent à chanter comme pour nous dire adieu. Ce cri m'inspira l'idée de les emmener avec nous, ainsi que les oies, les canards et les pigeons. Aussitôt nous prîmes 10 poules avec 2 coqs, l'un jeune et l'autre vieux. Nous les plaçâmes dans l'une des cuves que nous recouvrîmes avec soin d'une planche et nous laissâmes au reste des volatiles que nous mîmes en liberté le choix de nous suivre par terre ou par eau. Nous n'attendions plus que ma femme. Elle arriva bientôt avec un sac qu'elle déposa dans la cuve de son plus jeune fils, seulement à ce que je crus pour lui servir de coussin. Nous partîmes enfin. Dans la première cuve était ma femme, bonne épouse, mère pieuse et sensible. Dans la seconde, immédiatement après elle, était Franz, enfant de 7 à 8 ans, doué d'excellentes dispositions, mais ignorant de toutes choses. Dans la troisième, Fritz, garçon robuste de 14 à 15 ans, courageux et bouillant. Dans la quatrième, nos poules et quelques autres objets. Dans la cinquième, nos provisions. Dans la sixième, Jack, bambin de 10 ans, étourdi mais obligeant et entreprenant. Dans la septième, Ernest, âgé de 12 ans, enfant d'une grande intelligence, prudente et réfléchie. Enfin, dans la huitième, moi, leur père. Je dirigeais le frêle esquif à l'aide d'un gouvernail. Chacun de nous avait une rame à la main et devant soi un corset natatoire dont il devait faire usage en cas d'accident. La marée avait atteint la moitié de sa hauteur quand nous quittâmes le navire, mais elle nous fut plus utile que défavorable. Quand les chiens nous virent quitter le bâtiment, ils se jetèrent à la nage pour nous suivre, car nous n'avions pu les prendre avec nous à cause de leur grosseur. Turc était un dogue anglais de première force et Bill une chienne danoise de même taille. Je craignis d'abord que le trajet ne fût trop long pour eux, mais en les laissant appuyer leurs pattes sur les balanciers destinés à maintenir le bateau en équilibre, ils firent si bien qu'ils touchèrent terre avant nous. Notre voyage fut heureux et nous arrivâmes bientôt à portée de voir la terre. Son premier aspect était peu attrayant. Les rochers escarpés et nus qui bordaient la rivière nous présageaient la misère et le besoin. La mer était calme et se brisait paisiblement le long de la côte. Le ciel était pur et brillant. Autour de nous flottaient des poutres, des cages venant du navire. Fritz me demanda la permission de saisir quelques-uns de ces débris. Il arrêta 2 tonnes qui flottaient près de lui et nous les attachâmes à notre arrière. À mesure que nous approchions, la côte perdait son aspect sauvage. Les yeux de faucon de Fritz y découvraient même des arbres qu'il assura être des palmiers. Comme je regrettais beaucoup de n'avoir pas pris la longue vue du capitaine, Jack tira de sa poche une petite lunette qu'il avait trouvée et qui me donna le moyen d'examiner la côte afin de choisir une place propre à notre débarquement. Tandis que j'étais tout entier à cette occupation, nous entrâmes sans nous en apercevoir dans un courant qui nous entraîna rapidement vers la plage à l'embouchure d'un petit ruisseau. Je choisis une place où les bords n'étaient pas plus élevés que nos cuves et où l'eau pouvait cependant les maintenir à flot.

Éternel raisonneur, lui répondis-je, tu devrais nous en avoir déjà donné un plein sac, au lieu de t'amuser à disserter sur son origine. Hâte-toi donc, si tu ne veux pas que nous mangions une soupe fade et sans goût. Ernest ne tarda pas à revenir, mais le sel qu'il apportait était mêlé de terre, et nous allions le jeter lorsque ma femme eut l'idée de le faire fondre dans l'eau et de passer cette eau dans un linge avant de la mêler dans la soupe. Tandis que j'expliquais à notre étourdi de Jack, qui m'avait demandé pourquoi nous n'avions pas pris simplement de l'eau de mer, que cette eau n'aurait pu nous servir parce qu'elle contient d'autres matières d'un goût désagréable, ma femme acheva la soupe et nous annonça qu'elle était bonne à manger. « Un moment, lui dis-je, nous attendons Fritz. Et d'ailleurs, comment nous y prendre pour la manger? Tu ne veux sans doute pas que nous portions tour à tour, à notre bouche, ce chaudron lourd et brûlant? Si nous avions des noix de coco, dit Ernest, nous les couperions en deux et nous en ferions des cuillères. Si nous avions de magnifiques couverts d'argent, répliquai-je, cela vaudrait bien mieux. Mais au moins, reprit-il, nous pourrions nous servir de coquillages. Bonne idée, m'écriai-je, mais ma foi, nos doigts pourraient bien tremper dans la soupe, car nos cuillères n'auront pas de manches. Va donc nous en chercher. » Jack se leva en même temps et se mit à courir. Il était déjà dans l'eau bien avant que son frère fût arrivé au rivage. Il détacha une grande quantité d'huîtres et les jeta à Ernest qui les enveloppa dans son mouchoir, tout en ramassant un grand coquillage qu'il mit avec soin dans sa poche. Tandis qu'il revenait, nous entendîmes la voix de Fritz dans le lointain. Nous y répondîmes avec de joyeuses acclamations et je me sentis soulagé d'un grand poids, car son absence nous avait fort inquiétés. Il s'approcha de nous, une main derrière son dos, et nous dit d'un air triste. « Rien. »« Rien, dis-je ? » ?»« Hélas, non, » reprit-il. Au même instant, ses frères, qui tournaient autour de lui, se mirent à crier. « Un cochon de lait ! Un cochon de lait ! Où l'as-tu trouvé ? Laisse-nous voir !» Tout joyeux alors, il montra sa chasse. Je lui reprochai sérieusement son mensonge et lui demandai de nous raconter ce qu'il avait vu dans son excursion. Après un moment d'embarras, il nous fit une description pittoresque des beautés de ces lieux, ombragés et verdoyants, dont les bords étaient couverts des débris du vaisseau, et nous demanda pourquoi nous n'irions pas nous établir dans cet endroit où nous pourrions trouver des pâturages pour la vache qui était restée sur le navire. « un moment, m'écriai-je, tant il avait mis de vivacité dans son discours. Chaque chose aura son temps. Dis-nous d'abord si tu as trouvé quelques traces de nos malheureux compagnons. Pas une seule, ni sur terre, ni sur mer. En revanche, j'ai découvert, sautillant à travers les champs, une légion d'animaux semblables à celui-ci, et j'aurais volontiers essayé de les prendre vivants, tant ils paraissaient peu effarouchés, si je n'avais pas craint de perdre une si belle proie. » Ernest, qui pendant ce temps avait examiné attentivement l'animal, déclara que c'était un agouti, et je confirmai son assertion. Cet animal, dis-je, est originaire d'Amérique. Il vit dans des terriers et sous les racines des arbres. C'est, dit-on, un excellent manger. Jack s'occupait à ouvrir une huître à l'aide d'un couteau, mais malgré tous ses efforts, il n'y pouvait parvenir. Je lui indiquai un moyen bien simple, c'était de mettre les huîtres sur des charbons ardents. Dès qu'elles eurent senti la chaleur, elles s'ouvrirent en effet d'elles-mêmes, et nous eûmes ainsi bientôt chacun une cuillère, quand, après bien des façons, mes enfants se furent décidés à avaler l'huître qu'ils trouvèrent du reste détestable. Ils se hâtèrent de tremper leurs écailles dans la soupe, mais tous se brûlèrent les doigts et se mirent à crier. Ernest, seul, tirant de sa poche son coquillage, qui était aussi grand qu'une assiette, le remplit en partie sans se brûler et se mit à l'écart pour laisser froidir son bouillon. Je le laissai d'abord faire, mais quand il se disposa à manger, « Puisque tu n'as pensé qu'à toi, lui dis-je, tu vas donner cette portion à nos fidèles chiens, et tu te contenteras de celle que nous pouvons avoir nous-mêmes. » Le reproche fit effet, et Ernest déposa aussitôt son assiette devant les dogues, qui l'eurent bientôt vidée. Mais ils étaient loin d'être rassasiés, et nous nous en aperçûmes en les voyant déchirer à belles dents l'agouti de Fritz. Celui-ci se leva aussitôt, furieux, saisit son fusil et en frappa les deux chiens avec une telle rage qu'il faussa le canon. Puis il les poursuivit à coups de pierre jusqu'à ce qu'ils eussent disparu en poussant des hurlements affreux. Je m'élançai après lui et lorsque sa colère fut apaisée, je lui représentai le chagrin qu'il m'avait fait ainsi qu'à sa mère, la perte de son arme qui pouvait nous être si utile et celle que nous allions probablement éprouver de ces deux animaux, nos gardiens.

et qui était composée en partie de palmiers. Nous étions à peine assis pour achever notre dîner qu'une troupe de singes, effrayés par notre arrivée et par les aboiements de Turcs, s'élancèrent en un moment à la cime des arbres d'où ils nous firent les plus affreuses grimaces. Je remarquai alors que la plupart de ces palmiers portaient des noix de coco et j'eus l'idée de forcer les singes à nous cueillir ce fruit. Je me levai et j'arrivai à temps pour empêcher Fritz de tirer un coup de fusil. « À quoi bon ? » lui dis-je. « Imite-moi plutôt et prends garde à ta tête, car ces animaux vont nous inonder de noix. » Je pris alors une pierre et je la jetai vers les singes. Quoiqu'elle atteignit à peine la moitié du palmier, elle suffit pour mettre en colère les malignes bêtes. Et elles firent pleuvoir alors sur nous une telle quantité de noix que nous ne savions où nous mettre pour les éviter et que la terre en fut bientôt toute couverte. Fritz riait de bon cœur de ma ruse, et quand la pluie de noix eut un peu cessé, il se mit à les ramasser. Nous cherchâmes ensuite un petit endroit ombragé où nous nous assîmes. Puis nous procédâmes à notre repas en mêlant de la crème de coco au jus de nos cannes, ce qui nous procura un manger délicieux. Nous abandonnâmes à Turc les restes de notre homard, ce qui ne l'empêcha pas de manger des amandes de coco et des cannes qu'il broyait entre ses dents. Quand nous eûmes fini, je liai ensemble quelques noix qui avaient conservé leur queue. Fritz ramassa son paquet de cannes et nous reprîmes notre chemin. Chapitre 4. Retour, capture d'un singe, alarme nocturne, les chacals. Fritz ne tarda pas à trouver le fardeau pesant. Il le changeait à chaque instant d'épaule, puis le mettait sous son bras, puis s'arrêtait et commençait à se lamenter. « Je n'aurais pas cru que ces cannes à sucre fussent si pesantes, » dit-il. « Patience et courage, ton fardeau sera celui d'Ésope, qui s'allège en s'avançant. Donne-moi une de ces cannes et prends-en une pour toi. Quand notre bâton de pèlerin et notre ruche à miel seront usés, nous en reprendrons d'autres. Et tu seras soulagé d'autant. » Il fit ce que je disais. Je plaçai le reste en croix sur son fusil et nous continuâmes à marcher. Me voyant porter de temps en temps à mes lèvres la canne qu'il m'avait donnée, Fritz voulut en faire autant, mais il eut beau sucer, rien ne coula dans sa bouche. Étonné de ce phénomène, car il voyait bien que le roseau était plein de jus, il m'en demanda la raison. Au lieu de la lui dire, je le laissai la deviner. Et il finit par découvrir qu'en pratiquant une petite ouverture au-dessus du premier nœud pour donner de l'air, il obtiendrait ce qu'il voulait. Nous marchâmes quelque temps en silence. « Au train où nous allons, nous ne rapporterons pas grand-chose à la maison. J'aimerais mieux en rester là. »« Ben, les cannes vont sécher au soleil. Ne t'inquiète pas, il suffit que nous en conservions une ou deux pour les leur faire goûter. »« Eh bien alors ?» J'aurai du moins le plaisir de leur rapporter un excellent lait de coco, dont j'ai là une bonne provision dans une bouteille de fer blanc. Étourdi, ne crains-tu pas que la chaleur n'ait fait perdre à ce lait toute sa douceur ? Oh, ce serait bien dommage. Je veux voir ce qui en est. Il tira rapidement la bouteille de sa gypsière, et presque aussitôt le bouchon partit avec bruit, puis la liqueur en sortit en pétillant comme du vin de champagne. Nous goûtâmes ce vin mousseux qui nous parut fort agréable, et nous continuâmes la route, animés par cette boisson et plus légers de moitié. Nous ne tardâmes pas à retrouver l'endroit où nous avions laissé nos calebasses, qui étaient parfaitement sèches et que nous renfermâmes aisément dans nos gypsières. Nous venions de traverser le petit bois où nous avions fait notre premier repas, et nous en étions à peine sortis que Turc nous quitta en aboyant de toutes ses forces et s'élança dans la plaine pour fondre sur une troupe de singes qui jouaient par terre et qui ne nous avait point aperçus. Les pauvres bêtes se dispersèrent rapidement, mais Turc atteignit une guenon moins agile que les autres, la renversa par terre et l'éventra. Fritz courut aussitôt pour l'arrêter, et perdit même en chemin son chapeau et son paquet, tant il allait vite. Mais tout fut inutile. Il n'arriva que pour voir Turc se repaître de cette chair palpitante. Cet horrible spectacle qui nous attristait tous deux fut égayé cependant par un incident assez comique. Un jeune singe, enfant probablement de la Guenon tuée par Turc, et qui s'était tapi dans les herbes, sauta aussitôt sur la tête de Fritz et se cramponna avec une telle force dans sa chevelure que ni cri ni coup ne purent l'en déloger. J'accourus aussi vite que me permit le fou rire qui me saisit à ce spectacle, car il n'y avait aucun danger réel, et la terreur de mon fils était aussi divertissante que les grimaces du petit singe. Tout en me moquant de Fritz et en lui disant que le petit singe qui avait perdu sa mère l'avait sans doute pris pour père adoptif, je m'employai à le détacher. J'y parvins non sans peine et je le pris dans mes bras comme un petit enfant, réfléchissant à ce que j'allais en faire. Il n'était pas plus gros qu'un jeune chat et était hors d'état de se nourrir lui-même. Fritz me pria de le garder, me promettant de le nourrir de lait de coco jusqu'à ce que nous puissions avoir celui de la vache restée sur le bâtiment. Je lui fis observer que c'était une charge nouvelle et que nous n'en avions que trop dans notre position. Mais sur ses protestations, je consentis à le lui laisser prendre, pensant que l'instinct de cette petite bête nous servirait peut-être à découvrir, par la suite, les propriétés nuisibles de certains fruits. Nous laissâmes Turc se repaître de sa Guenon. Le jeune singe se plaça sur l'épaule de Fritz et nous reprîmes notre route. Nous cheminions depuis un quart d'heure quand Turc vint nous rejoindre, la gueule encore ensanglantée. Nous le reçûmes assez froidement. Il n'en tint aucun compte et continua de marcher derrière Fritz. Mais sa présence effraya notre nouveau compagnon, qui quitta l'épaule de Fritz et se blottit dans sa poitrine. Celui-ci prit aussitôt une corde et attacha le petit singe sur le dos de Turc en lui disant d'un ton pathétique « Tu as tué la mère, tu porteras le fils ». Le chien et le singe résistèrent d'abord beaucoup tous les deux. Toutefois, les menaces et les coups nous assurèrent bientôt l'obéissance de Turc et le petit singe, solidement attaché, finit par s'habituer à sa nouvelle place. Mais il faisait des grimaces si drôles que je ne pus m'empêcher d'en rire en me figurant la joie de mes autres enfants à l'aspect de ce burlesque cortège. « Oh oui !» me dit Fritz, « ils en riront bien, et Jack pourra prendre un bon modèle pour faire son métier de grimacier. « Tu devrais, toi, répliquai-je, prendre pour modèle ta bonne mère, qui, au lieu de faire ressortir sans cesse vos défauts, cherche plutôt à les atténuer. » Il convint de sa faute et tourna la conversation sur la férocité avec laquelle Turc s'était jeté sur la Guenon qu'il avait éventrée. Sans justifier l'action du dogue, je lui en donnai les raisons, et je tâchai d'en affaiblir l'odieux en rappelant tous les services que le chien est appelé à rendre à l'homme. « Ce seul auxiliaire, lui dis-je, permet à l'homme de se mesurer avec les animaux les plus féroces. Turc tiendrait tête à une hyène, à un lion s'il le fallait. » Cette conversation nous amena à parler des animaux que nous avions laissés sur le navire. Fritz regrettait beaucoup la vache, mais l'âne lui paraissait une perte peu importante. « Ne le juge pas ainsi. Sans doute il n'est pas beau, mais il est d'une excellente race. Qui sait? Le soin, la bonne nourriture et le climat parviendront peut-être à améliorer sa nature, tant soit peu paresseuse. » Tout en parlant, le chemin disparaissait sous nos pieds et nous nous trouvâmes près du ruisseau et des nôtres sans nous en être aperçus. Bill, la première, nous flaira et se mit à aboyer. Turc lui répondit, et le petit malheureux singe en fut si effrayé qu'il rompit ses liens et se réfugia de nouveau sur l'épaule de Fritz, dont il ne voulut plus déloger, tandis que Turc, qui connaissait le pays, nous quitta bientôt au galop pour aller annoncer notre arrivée. Nous retrouvâmes les pierres qui nous avaient aidés à passer le ruisseau dans la matinée et nous fûmes bientôt réunis au reste de la famille qui nous attendait sur la rive opposée. Les premiers moments d'effusion à peine passés, mes petits fous se mirent à sauter en criant « un singe vivant, comment l'avez-vous pris? Comme il est gentil, qu'est-ce que c'est que les noix que papa apporte ?» Une question n'attendait pas l'autre. Enfin, lorsque le silence se fut un peu rétabli, je pris la parole. « Soyez tous les bien retrouvés, mes bien-aimés, m'écriai-je. Nous revenons, grâce en soit rendue à Dieu, en bonne santé, et nous rapportons avec nous toutes sortes de richesses. Mais ce que nous cherchions, nos compagnons de voyage, nous n'en avons pu apercevoir aucune trace. « Si telle est la volonté de Dieu, dit ma femme, sachons nous y conformer, et bénissons sa main qui nous a sauvés et qui vous ramène sains et saufs, après cette journée qui m'a semblé aussi longue qu'un siècle. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Mais d'abord, débarrassez-vous de vos fardeaux que vous avez portés si longtemps. » On nous débarrassa rapidement de tout notre attirail.